La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quand l'endurance dépasse les bornes. La pratique de la course à pied sur de très longues distances, ce qu'on appelle l'ultra-trail, en montagne ou dans des déserts, gagne chaque jour de nouveaux adeptes. L'exercice est simple. Il s'agit de dépenser volontairement plusieurs kilowattheures à gravir et à descendre des milliers de mètres de dénivelé en agitant ses jambes à une cadence d'essuie-glace dans des décors sublimes. À l'évidence, tous ceux qui s'y adonnent n'ont pas l'ADN d'un chamois. Et pourtant, nombreux sont les femmes et les hommes qui, rescapés du laminoir des cimes, réussissent à venir à bout de telles épreuves et à parvenir au bout d'eux-mêmes par la même occasion. Comment ce phénomène s'explique-t-il ? Serait-il fou, inconscient, malade, masochiste ? La souffrance et le plaisir formeraient-ils un couple à la fois diabolique et solide ? Une dialectique secrète mettrait-elle en connivence l'épuisement du corps et l'accomplissement de l'âme ? L'élan vital serait-il une affaire de mouvement perpétuel ? Ou bien faut-il plutôt imaginer que ces gens qui mettent leur corps en aventure de froid et de douleur sont d'abord avides de rencontres originales et qu'ils saisissent là l'occasion d'aller faire les fous dans des histoires fraternelles. Pour discuter de ces questions, j'ai invité deux personnes. D'abord Jean-Philippe Lefièvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes également ultra-trailer, comme on dit, et vous êtes auteur d'un livre qui est paru chez Guérin, intitulé « La folle histoire du trail ». Oui. Mon second invité est Malek Boukherchi, difficile à présenter, bonjour. Bonjour Étienne. Vous êtes ultra-marathonien. Alors ultra au sens de ultra chez ultra, 300 km et davantage. Vous êtes également conteur, vous avez publié « Compte à gratter pour découvrir la richesse de la vie » en 2015. Vous définissez vous-même comme un guetteur de rêves. Et vous êtes par ailleurs expert en intelligence relationnelle. Tout à fait. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Alors j'ai une question à vous poser à l'un et à l'autre. Est-ce qu'à votre avis, l'homme est fait pour courir ? Alors, moi, j'en suis absolument convaincu. Ouais. Une théorie scientifique qui date de 2004, je crois, est fondée sur cette idée-là. C'est venu d'un étudiant de Harvard qui a eu la conviction que la course à pied était vraiment ce qui a donné l'avantage évolutionniste à l'espèce humaine. Ce professeur n'y croyait pas vraiment. Et puis l'un d'eux, Dennis Bramble, a eu la révélation en allant courir un matin avec son chien. Il faisait très chaud et le chien s'est arrêté de courir très vite parce qu'il était en surchauffe, alors que lui était capable de continuer à courir. Il a réalisé qu'en fait, l'avantage qu'ont les humains, c'est qu'ils peuvent courir longtemps, non pas vite, mais longtemps, et que ça lui permet de chasser de façon assez originale, avec une méthode qu'on appelle la chasse à l'épuisement. Oui, vous en parlez très joliment dans votre livre, la chasse et l'épuisement, c'est-à-dire on poursuit les animaux sans les agresser, c'est ça. En attendant qu'ils s'effondrent alors que l'homme lui a pu résister à l'effort. Exactement. Là, ça tient à quelle propriété physique de l'homme qu'il puisse courir longtemps, mieux que les antilopes par exemple? Il y a une trentaine de caractéristiques physiques qui permettent de courir longtemps. Alors la première, c'est un système de refroidissement atmosphérique hors du commun. Enfin, il n'y a pas d'autre équivalent. Les glandes sudoripares. Exactement. Qui permettent de refroidir. Alors que le chien, par exemple, en est incapable. Il se met à halter et puis il finit par tomber de fatigue. C'est le cas des antilopes aussi. C'est la raison pour laquelle cette méthode de chasse est aussi efficace. Il y a un chapitre de votre livre qui s'appelle « La preuve par l'antilope ». Oui, qui parle de ça. Exactement. Parce que l'une des difficultés de la démonstration de cette théorie, c'est la preuve par l'exemple. Il a fallu à ces chercheurs trouver un moyen de démontrer que ça fonctionne. Et donc, ils ont mis leur théorie en pratique. Ils sont allés courir derrière des antilopes. Ils ont choisi la plus rapide, le pronghorn, qui court à 90 km/h. C'est une antilope américaine. Et ça a été un fiasco. Pour l'antilope? Non, pour les coureurs qui n'ont pas réussi du tout à mettre cette théorie en pratique parce qu'ils avaient oublié une dimension très importante. C'est que pour que la course à l'épuisement, la chasse à l'épuisement fonctionne, il faut y mettre ses qualités physiques, mais aussi ses capacités intellectuelles. Et c'est la combinaison des deux qui fait cet énorme avantage évolutionniste de l'être humain. C'est cette théorie qu'on appelle la Running Mind Theory. C'est ça. Qui dit que l'homme est depuis toujours un coureur. C'est ça. Ouais. Qui dit que oui, on a évolué pour devenir coureur. Parce et donc que les ultra-trailers n'inventent rien. Exactement, oui, ça me paraissait important de le rappeler. On a l'impression aujourd'hui de faire une discipline toute neuve. De faire des choses inédites en termes de distance et de difficulté, alors que c'est vieux comme le monde. Et Sylvain Lacandémy, que j'ai reçu à cette émission, qui s'occupe de l'étude de Néandertal, expliquait que les parcours de chasse des Néandertaliens étaient de 100 km. Tout à fait. Et disons qu'ils allaient chasser en courant, plus ou moins, et c'est donc quelque chose qui est sans doute engrammé dans notre patrimoine. Juste pour rebondir sur les propos, en anthropologie du lien, on dit qu'il y a quatre activités qui font que l'homme est homme. On parle toujours de l'homo sapiens, mais le sapiens n'est rien par rapport à l'homme coureur, le dromien, le dromos, comme on dit en grec. Nous sommes des hommes qui courent depuis la nuit des temps. Il y a quatre activités qui font que nous sommes là tous. La première activité, dormir. La dormition, qui est attaquée aujourd'hui de toutes parts. On fait tout en sorte pour que les gens ne dorment pas et consomment avec Internet, tout ce que vous voulez. Oui, mais vous-même, vous dites que vous dormez peu, 4 heures par nuit. Mais c'est un cycle qui est respecté. Étienne, c'est encore différent. Après, chacun a son chronotype. On n'a pas tous le même chronotype. L'enjeu, c'est de bien maîtriser son chronotype. Certains sont du matin, certains sont du soir. À partir du moment où on respecte son cycle de sommeil, quand vous vous réveillez et que vous êtes bien, vous respectez votre type de sommeil. On parle souvent de jet lag social. La plupart des gens sont en jet lag social. Pour savoir si tu es en jet lag, le matin quand tu te lèves, Jean-Philippe ou toi, Étienne, est-ce que vous utilisez un radio-réveil, mais non, ça n'existe plus hein, pour les jeunes générations. Un téléphone. Ceux qui se lèvent le matin et qui ont besoin d'entendre la sonnerie pour se lever, ils sont en jet lag, alerte. Normalement, je me lève sans avoir besoin d'un réveil. Et là, donc c'est-à-dire que je respecte un cycle et je suis bien. Combien de gens peuvent dormir 8 heures, ils se lèvent le matin, ils sont complètement crevés, fatigués. Ils ont fait 8 heures et ils sont fatigués. Donc, souci. La dormition, première activité. La deuxième activité d'anthropologie fondamentale, se nourrir, manger. Et on verra dans la course à pied, il y a des limites. Si on nourrit pas le corps, on peut pas aller bien loin. On a besoin de se nourrir de mai. Mais depuis la nuit des temps, on se nourrit pas que de mets, on se nourrit aussi de mots. Nos ancêtres, Néandertal, Cro-Magnon, les grottes de Lascaux, toutes les grottes, il y a des arts primitifs qui existent depuis la nuit des temps. On parle même de trois arts primitifs qui sont en connexion avec l'invisible, qui est le tronc du visible, la danse, la musique et la peinture. C'est les trois premiers arts. Après, ça a donné tout le reste. Donc, nourrir. Troisième activité, si nous sommes tous là, la procréation. Parce qu'on trace, on garde une lignée historique, voire transtemporel ou intemporel ou atemporel, on a besoin d'exister depuis la nuit des temps. Donc la procréation fait partie de nos activités d'anthropologie fondamentale. Et la dernière, tu l'as évoqué Jean-Philippe, courir. On est l'espèce animale la moins fournie en système d'attaque-défense. Il a fallu fuir les prédateurs, c'est pas en marchant. Fuir pour pouvoir survivre, courir pour pouvoir survivre, courir pour pouvoir chasser. Et donc nos ancêtres étaient des ultra-marathoniens forcément. À ce niveau-là, donc, la course à pied est un sport qui est extrêmement adapté au corps humain, contrairement à d'autres sports qui sont extrêmement violents en termes de torsion. Tiens, on parlait du tennis en off avec Jean-Philippe vis-à-vis de son enfant. Le tennis, pour le dos, pour les torsions, c'est terrible vis-à-vis du corps. Moi, je suis un ancien footeux, le foot également vis-à-vis des jambes. Alors que la course à pied est vraiment... On court dans l'axe. Exactement. Et en plus, on est, comme tu l'as dit, on est agrammé depuis la nuit des temps. On court. Je crois que effectivement, non seulement on est fait pour ça, mais ça nous a façonné. Ça a vraiment fait évoluer le corps humain pour l'amener à ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Et c'est une activité qui nous est tellement naturelle que c'est une des raisons pour laquelle on trouve une espèce d'émerveillement quand on la pratique. Alors au départ, c'est très dur, mais si on insiste un peu, ça fait résonner quelque chose en nous qui a une dimension anthropologique, quoi. Et qui va au-delà, parce que souvent on définit l'homme par la pensée ou par la parole, alors que l'homme est défini par la marche. Quand on parle courir, il y a marcher et courir. Regardez aujourd'hui dans les mouvements techniques, on est incapable de recréer le mouvement de la marche. Les machines, on parle beaucoup de transhumanisme, l'évolution de la robotique, il n'y a pas de corps, c'est pas neutre. Reproduisez, regardez les gens marcher, cette fluidité, c'est fascinant à voir les gens marcher ou courir. Il y a une fluidité naturelle, et ça, c'est le fruit de l'évolution. C'est lié en partie à la forme de la colonne vertébrale des humains. Aussi, exactement, et on a du mal à reproduire ça. À l'élasticité des tendons. Et la marche définit fondamentalement ce que nous sommes. Nous sommes des marcheurs. Alors l'histoire de la course à pied, vous la racontez en fait dans votre livre Jean-Philippe Lefièvre. Vous parlez notamment de Philippides, dont on dit qu'il a inventé entre guillemets le marathon. Vous dites qu'il a fait beaucoup plus qu'un marathon qu'en plus il n'est pas mort. C'est ça. En fait, la légende qu'on raconte habituellement, c'est celle du messager qui vient annoncer la victoire, des Grecs sur les Perses, au marathon. Et donc, il se serait rendu de marathon à Athènes, ça fait une quarantaine de kilomètres. Et ça, c'est ce que les historiens ont raconté longtemps après les événements. Hérodote, lui, raconte l'histoire de façon plus factuelle. Et en fait, c'est pas du tout comme ça qu'elle s'est passée. Les Grecs, voyant la flotte perse arriver dans la baie de Marathon, se disent, ils vont nous écraser, on a besoin de renforts, et envoient un messager, donc Philippides, dont c'est le métier. C'est le métier qu'on appelle hémérodrome. Hémérodrome, c'est ça. Un messager qui court. Oui, voilà, qui court toute la journée. C'est un métier de courir. C'est un métier, oui, dans l'armée. C'était un métier. Et les Grecs savaient qu'un coureur à pied, sur des longues distances, est toujours plus rapide qu'un cavalier. Parce qu'il gère mieux son effort, parce qu'il s'adapte mieux au terrain difficile. Et donc, ce Philippides est envoyé à Sparte. Mais Sparte, c'est pas à 40 km, c'est à 250 km. Et il fait son trajet en un jour et demi. En 36 heures. C'est un exploit déjà pour l'époque. C'est même impossible, non ? Ah non, je pense que c'est faisable pour quelqu'un dont c'est le métier. 250 km en un jour et demi. Enfin, Hérodote n'est pas tout à fait précis, il parle d'un jour et demi. Et là-bas, fin de non-recevoir, les Spartiates sont en pleine trêve religieuse et refusent de se battre. Et donc, il fait demi-tour, il rentre apporter la mauvaise nouvelle. Et il refait ses 250 km dans l'autre sens. Au total, ça fait 500 km. 500 km en quelques jours. C'est ça. Et on sait comment il s'alimentait ? Non, ça c'est des choses... Non, on n'a pas du tout d'écrit là-dessus. Enfin, pas que je sache en tout cas. Vous parlez aussi des messagers en Amérique du Sud, chez les Incas par exemple. Oui. Donc ça a été un vrai métier d'être coureur à pied sur de longues distances pour des générations et des générations. Oui. Et ce qui est joli dans l'exemple des Incas, c'est la solidarité... De guildes presque entre coureurs et la dimension spirituelle aussi de cette activité parce qu'ils avaient un statut social particulier. Oui, absolument. Oui, ils étaient très bien considérés. Ils jouissaient d'un prestige assez immense. Ils avaient le même traitement que les maires, par exemple, sur le plan financier. Et puis, ils avaient un rôle spirituel aussi dans le sens où il fallait qu'il s'associe les bonnes grâces de la nature et il devait se montrer exemplaire à tout point de vue. C'est assez joli, je trouve. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors l'un et l'autre, Malek Boukarchi et Jean-Philippe Lefièvre, vous m'avez confié avant l'émission que vous êtes venu à la course à pied sur de très longues distances. Alors vous, Jean-Philippe Lefièvre, c'est plutôt l'ultra-trail, assez classique, disons. Alors que vous, Malek Boukarchi, vous faites des trucs de dingue, c'est-à-dire des 100 kilomètres en Antarctique, vous envisagez de traverser l'Afrique en courant, vous avez fait des choses au Pakistan, tout à fait. Des 300 kilomètres, des ultramarathons. Et qu'est-ce qui vous a mené l'un et l'autre à cette pratique qui n'était pas dans vos priorités de jeunesse ? On commence par vous, Jean-Philippe. Alors moi, c'est une histoire qui est assez banal, on la retrouve. Je cite pas mal d'exemples assez similaires dans le bouquin. Moi, j'ai toujours été sportif, mais jamais coureur. J'ai fait des activités de flemmard, du saut en hauteur en particulier, du volley, des choses, pas mal de sport co. J'ai même suivi des études pour devenir prof de gym. Et puis, je me suis éloigné de tout ça, j'ai changé d'orientation, j'ai toujours fait du sport, mais courir, ça a toujours été quelque chose de difficile pour moi. Et puis, j'étais fumeur, fêtard, noceur, enfin bon. Et un beau jour, avec l'arrivée de la paternité, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête toutes ces bêtises. Et l'arrêt du tabac en particulier m'a poussé à essayer de retrouver la forme. Je suis allé courir, je suis allé chercher une vieille paire de baskets à la cave. Et je suis allé faire deux ou trois tours de parc. Et ça m'a paru absolument terrible. Horrible. Terrible. vraiment un effort qui m'a semblé surhumain. Et je me suis dit, c'est pas possible de rester là. Je suis quand même un minimum fait pour ça. Je ne peux pas en rester à ce constat d'échec. Il faut que je trouve le moyen d'en faire une activité qui ne soit pas si douloureuse. Et je me suis accroché. Les premiers mois ont été difficiles et puis c'est venu assez vite. Et surtout, ça a allumé une petite flamme dans mon esprit. Une vraie passion, quoi. Et je ne me suis pas arrêté depuis. C'était à quel âge, si ce n'est pas indiscret ? Vous avez commencé à quel âge ? J'avais 37 ans, je crois. Et vous, Malek ? Alors c'est vrai, comme tu l'as dit Étienne, je ne suis pas dans l'univers de l'ultra-trail, même si j'en ai fait, parce qu'après c'est une succession de rencontres, hein, donc l'ultra-marathon des extrêmes, nous sommes à peu près 500-700 personnes identifiées dans le monde à faire ce genre de course aujourd'hui. Ça démarre à 300-400 km minimum, et ça peut monter jusqu'à 3000 km, c'est à peu près 100 km jour avec notre sac à dos, la carte des étoiles, la carte des déserts, la boussole, et on traverse les déserts, chaud, froid, en haute altitude, polaire, conditions extrêmes. Et c'est vrai qu'au départ... Moi, j'ai jamais entendu parler d'ultramarathon des extrêmes, parce que moi, j'ai grandi dans un quartier où il neige tout le temps. Été, hiver, printemps, automne, dans un quartier en Alsace, quand il neige, on parle de drogue. Et papa avait compris très vite que dans notre quartier, pour être crédible, il y a un sport roi. Si tu veux être inséré dans le système des relations sociales, il faut savoir taper du ballon rond, le taquiner, le lécher, le jouer, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comme papa était un fan de foot, donc moi, je suis un footeux. Papa m'a inscrit très tôt à l'âge de 5 ans, jusqu'à mes 28 ans, où j'ai joué au foot après un peu partout en France, hein, d'Alsace, en passant par Lyon, en passant par Saint-Étienne, avec un certain niveau. Et si j'ai joué longtemps au foot, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un éducateur de quartier qui était extraordinaire. Il n'est plus là, Ibrahim, hein, je le rends toujours hommage. Parce que quand on allait jouer au foot, j'ai joué avec lui de 15 ans à mes 17 ans. Fascinant. Ce gars, on avait 1h30 d'entraînement 3 fois par semaine. Sur 1h30 d'entraînement, pendant 45 minutes, on était en salle. On touchait pas un ballon. Imaginez aujourd'hui des jeunes allant taper du ballon rond dans un club. Tu es assis en salle et t'as un gars qui va t'expliquer à quoi ça sert le foot aujourd'hui. Il nous faisait une sorte d'archéologie du football. Alors quand t'as 15 ans, 16 ans, on comprenait pas tout. Il avait son tableau noir. Et il nous expliquait que le but du foot, c'est pas le but, c'est la passe. Et la passe dans la vie de tous les jours, c'est la relation d'aide, la main tendue. Et chaque année, on avait un sujet. Il nous écrivait un sujet. Et on avait un an, les 15 coups, les 15 joueurs, pour traiter du sujet. Et ça m'a donné envie de traiter à chaque fois le sujet. On était étudiants, pas étudiants, des gars qui traînaient dans la rue, mais on travaillait ensemble. Et un des plus beaux sujets, c'était ma dernière année. Tiens, c'est un sujet de bac, par exemple. Il disait, il avait écrit, la vérité du foot est dans la forme du ballon. Pourquoi ? Fascinant. C'est magnifique. Je trouvais ça et on trouve des raisons, on trouve... On arrive à écrire. Et on écrit, on a trouvé des choses. Par exemple, là, je vous dis, j'avais 17 ans, donc les années ont passé, mais on avait écrit, par exemple, la vérité du foot est dans la forme du ballon. Le ballon de foot est rond parce qu'il englobe toutes les différences. Y compris les différences ethniques, il ne les annule pas, il les rassemble pour qu'elles rebondissent ensemble. Joli. Par exemple. Et donc, et en plus Ibrahim nous disait, c'était fascinant, le souvenir c'est un éducateur extraordinaire, hein. Il nous disait dans la vie, il faut toujours lutter contre 4 drogues dures. La cocaïne, l'héroïne, la nicotine et la pire de toutes, la routine. Parce qu'on a grandi dans un quartier où la routine nous tue. Et qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la routine ? Donc je joue au foot grâce à ça. Et ensuite... À 28 ans, je me rappelle, j'étais en région rhône-alpienne, donc pas trop loin de chez vous. Hein. Un de mes coachs me dit, Malek, t'es vieux. Place aux jeunes. Parce que quand t'es amateur, on est vieux très tôt. Parce qu'on est des amateurs, mais... Et quand on te dit que t'es vieux à 28 ans, je n'ose même pas vous dire à vous, qui avez des cheveux gris, avec tout le respect que je vous dois, mais qu'est-ce qu'on doit vous dire alors, en vous concernant ? Parce que ça, on te dit qu'à 28 ans, t'es vieux, mais les autres alors ? Qu'on laisse la place aux jeunes, c'est normal. L'intergénérationnel, la passation, la transmission, l'information. Mais qui est cette passation ? Mais là, il y a un couperet qui est tombé. Dans la vie, il ne faut pas lutter contre, il faut toujours lutter pour. Et la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir concilier mes divers temps sociaux, le professionnel, l'engagement associatif et un corps, parce qu'on a un corps à faire vibrer. Et la course à pied, c'est ça qui est intéressant. C'est faire vibrer ce corps qui est une des mécaniques, un des organismes les plus vibrants qui soit, un des plus riches qui soit, et encore insoupçonné parce qu'on n'a pas encore découvert toutes les subtilités de ce corps. La seule solution que j'ai trouvée, c'était l'achat d'une simple paire de baskets. Mais juste pour courir. Mais basculer de la pratique ludique collectif, footballistique, à la pratique isolée de l'asphalte, comme tu l'as dit Jean-Philippe, c'est ingrat. Je mets quiconque au défi de me dire quand quelqu'un commence à courir, au démarrage c'est ingrat, il n'y a aucun plaisir. À quoi ça sert ? On est dans des villes polluées, tu tapes, tu cours tout seul. Et à un moment donné, pendant un an, j'ai rien fait. Parce que je trouvais 15 000 excuses pour pas y aller. Trop chaud, trop froid, c'est pas le moment, je suis fatigué, j'ai pas envie. Quand il n'y a pas un objectif, tu y vas pas. Et au bout d'un an, je me suis dit, ça va pas, le corps, je sentais, j'ai joué de 5 ans à 28 ans, donc il y a quelque chose qui s'est développé. Je décide de m'inscrire à un 10. Pourquoi un 10 km? Parce que c'est la distance qu'on a incorporée en tant que footeur, la distance qu'on pratique quand moi j'étais milieu défensif. Donc le 10 km, je l'avais. Et j'essaie de m'inscrire à un 10 juste pour finir, parce qu'il faut être extrêmement humble, et réussir c'est finir, et finir c'est insister. Et je décide de faire ce 10 km parce que je sais que j'ai la distance, et en m'inscrivant à un 10, cela va m'obliger à m'astreindre à une pratique qu'est la discipline. Finir, mais bien. Et donc de jour en jour, semaine en semaine, donc je m'entraîne de manière intuitive, parce que j'ai pas la foulée rasante, je suis un footeux. J'ai pas appris à courir dans les stades, dans un club d'athlétisme. Je cours alors de manière intuitive, artisanale. Mais ce qui est fascinant, avec de l'abnégation, avec de l'envie, avec de la joie, en moins de 3 ans, ben je casse la barre mythique des 40 minutes sur 10 km pour tutoyer celle des 33. Et ça va vite, ça va très vite quand vous courez entre... Un 10 km, c'est un sprint. Hein. Les 3 premiers kilomètres, c'est à fond. Les 4 suivants, il faut maintenir la distance. Et les 3 derniers, il faut gicler, encore à fond. Donc ça va tellement vite qu'à la fin, quand tu arrives, tu es complètement lessivé. Et au bout de 2 ans, 3 ans de pratique à ce niveau-là, donc j'ai écumé pas mal les championnats. À un moment, il se pose la question, mais à quoi ça sert de courir aussi vite? Parce que j'oublie pas que les plus beaux paysages, ça reste les visages, la rencontre humaine. Au foot, il y a une rencontre. Et là, quand tu cours tout seul, ça va très vite. Et ma dernière année, je m'attends, quand je terminais mon 10, je restais pour applaudir, accompagner les autres, leur dire bravo. Je restais une heure et demie sur la ligne d'arrivée. Et je me rappelle, il y a un coach colombien qui vient me voir et qui me dit, Malek, le 10 km, c'est pas pour toi. Tu cherches autre chose. Augmente ta distance. Pourquoi? Parce qu'il vous restait des forces? Mais oui, voilà, j'étais en forme, j'accompagnais les autres. Allez-y. Mais Malek, c'est pas pour toi. Tu cherches autre chose, me dit-il. Et il me dit, va sur marathon. Nous sommes en 1998. À l'époque, le marathon, on était des clochards de l'asphalte. Hein. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu un phénomène de mode. C'est flashy, jazzy sur une ligne de départ. Parce que c'est hallucinant. Quand tu prends une ligne de marathon, les gars, ils ont un short, un t-shirt, une paire de baskets, une montre. Ils en ont pour plus de 1500, 2000 euros d'équipement. Moi, à mon époque, j'avais ma casquette de rappeur, des chaussettes à 2 balles, j'avais des baskets Adi. Les 2 bandes, on dit Adi chez nous dans le quartier. Et on courait à l'émotion, on courait au corps, on courait pas. Le drame aujourd'hui dans la pratique de la performance généralisée, c'est que la passion du chrono a pris le pas sur la passion du tempo. Les gens ne s'écoutent pas. Mais quand le gars te dit « va sur marathon », moi, il m'ouvre une perspective extraordinaire. C'était inimaginable, à mon niveau, d'aller sur marathon. C'était quelque chose d'inaccessible. C'est l'alpha et l'oméga. Tiens, on va en parler, du dépassement de soi. Et t'as un coach qui était réputé chez nous à Agno, en Alsace, qui me dit « Malek, va sur marathon. Pas de 15, pas de semi, va sur marathon ». Ben j'y vais. La question se pose pas. Je ne sais pas comment, je cours toujours de manière intuitive, artisanale, mais j'y vais. Du 10, je bascule sur marathon. Et comme t'es jeune, j'étais jeune à l'époque, eh ben on sait se griser par la performance des possibles, parce qu'à un moment donné, tu dis tiens, tu peux pousser le corps, et en 3 ans, là aussi sur marathon, je casse la barre mythique des 3 heures, pour tutoyer la barre des 2h42, ça va vite, de plus en plus vite, et je me rappelle que je suis un adepte du run and talk, très vite, quand je cours. Du quoi? Du run and talk. Je cours et je parle avec les gens que je rencontre. Ça, je suis comme toi, moi. Parce que c'est le plaisir de partager les sensations d'où tu viens, qu'est-ce que tu, pourquoi tu es là? Parce qu'on est dans des galères des fois, mais qu'est-ce que tu es venu foutre ici, franchement? Dis-moi, la vie c'est que ça. Et à un moment donné, un coureur néo-zélandais, hein, sur une course en terre hollandaise, me dit, Malek, rencontre mon grand frère, il va te dire quelque chose. Et à la fin, je vais voir son grand frère, vous savez, la Nouvelle-Zélande, c'est un grand pays également sportif, hein, c'est grand spécialiste du coaching mental. Et quand je rencontre son frère qui est coach, Son petit frère avec qui j'ai couru lui explique un peu ma manière de courir, et son grand frère me dit, Malek, le marathon, c'est pas pour toi. Trop court. Et là, pour moi, c'est un nouveau choc. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et il me dit, et je me rappelle avec ces mots, on est en 2002. Il me dit, Malek, est-ce que tu veux découvrir un pays fascinant, au relief insoupçonné, au climat changeant, à la frontière mouvante? Car qui vit plus sereinement de l'intérieur vit plus facilement de l'extérieur, me dit-il. Je dis, de quoi tu parles? Il dit, Malek, augmente ta distance, va sur l'ultra-marathon des extrêmes. Il n'y a pas de réseaux sociaux en 98, ça n'existe pas. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire, l'ultra-marathon des extrêmes? Il dit, Malek, ça c'est pour toi. Je te laisse mes coordonnées et appelle-moi. Et quand je suis d'un naturel curieux, et la course c'est que ça, il faut être curieux, parce que la curiosité, c'est le plus puissant moteur qui permet de lutter contre les deux plus grands fléaux d'humanité que sont l'ignorance et la peur, hein, dit-on. Alors j'essaie d'explorer les nocturnes du non-dit, et je découvre qu'il y a des fous furieux qui sont capables de traverser, de faire des chevauchées fantastiques dans des déserts sur des distances de 300 à 1000 km. Fascinant, il n'y a plus de chrono. Tu démarres, tu as 7 jours, tu as 10 jours, et tu termines, et tu traverses. Je fais génial, j'y vais. Je ne sais pas comment, ni avec qui, mais la question ne se pose pas. J'y vais. Et là, c'est fascinant. Et là, il y a une nouvelle aventure qui se met en place. Parce que quand tu dis que tu vas devenir ultramarathonien des extrêmes, on nous prend souvent pour des fous, alors que la clé réside dans la préparation. Comme pour vous, comme pour toi, Jean-Philippe, l'Ultra Trail, tout se joue avant. Rien, c'est pas pendant que ça se joue. Et une des clés fondamentales, c'est la préparation qui est la tutrice de l'excellence. Parce qu'une fois qu'on est bien préparé, on peut faire face à l'insondable des imprévus permanents. Donc aujourd'hui, je me définis plutôt comme un runneriste. Runner plus touriste, ça donne runneriste parce que je prends le temps, je rencontre les gens, j'ai ma caméra, mon appareil photo et je discute avec les gens. Mais je crois que pour réussir un tel pari, il faut rencontrer des gens qui croient en toi, qui croient en vous. Et vous nous parlerez de vos projets, Malek Boukherchi, mais avant, je voulais que Jean-Philippe Lefièvre nous rappelle qui a inventé le jogging. Eh bien, on parlait de la Nouvelle-Zélande, justement, c'est là-bas quelqu'un qui s'appelle Arthur Lydiard, qui est un entraîneur assez génial. Qui a inventé une méthode d'entraînement qui s'appelle le LSD. C'est assez rigolo. Tout à fait. Pour Long Slow Distance. On est dans les années 50. À l'époque, il n'y a qu'une méthode d'entraînement qui vaille. C'est celle de Zatopek. L'entraînement fractionné à très haute intensité. Ouais. Donc on fait une portion rapide. On récupère un petit peu et puis on recommence. Et c'est des sprints répétés. Ça lui a permis de dominer toutes les distances du... Grand champion. Du 1500 au marathon, pendant des années. Juste une parenthèse, Zatopek, il y a une super phrase. Zatopek disait à la fin de sa vie, il a fini misérable, hein, le pauvre. Éboueur. Grande star, il a marqué une toute génération, mais il disait, si tu veux courir une heure, cours. Mais si tu veux changer ta vie, cours un marathon. Joli. Ouais, c'est joli. Et donc, cet Arthur Lydiard invente cette méthode qui fait tout de suite des étincelles. Il a deux coureurs d'exception, mais c'est surtout sa méthode d'entraînement qui les fait performer. Il ramène deux médailles d'or des JO de Rome en 56. Et il rentre en Nouvelle-Zélande où il est toujours contesté malgré ses résultats. Tout le monde pense qu'il a eu une chance inespérée de tomber sur des perles. Et lui continue à... Il est cordonnier, il continue à travailler dans sa cordonnerie. Mais de temps en temps, il donne des conférences. Enfin, on l'invite pour parler de ses méthodes d'entraînement, au Lions Club notamment. Mmh. Et là, il rencontre des chefs d'entreprise qui sont poitrinaires, comme on disait à l'époque, des malades du cœur. Mmh. Et à cette époque-là, tous les médecins, la médecine en général, étaient convaincus que ces gens-là devaient être laissés au repos, que c'était trop dangereux pour eux de faire le moindre effort. Mais Lydiard, lui, se dit... Il est entraîneur, il sait comment réagit un muscle. Il se dit qu'un muscle, cœur ou quadriceps, c'est la même chose. Si on le laisse au repos, il s'atrophie. Donc il y a de bonnes chances pour que ses poitrinaires meurent prématurément. Et donc il leur propose d'aller courir d'abord un demi-mile dans un parc. Ils y vont tous les trois. Ils sont trois, je crois, au départ. Je ne me souviens plus exactement, mais je crois que c'est trois. Et très vite, ils y prennent goût, passer les premiers mètres qui sont toujours difficiles, comme tu le disais. Ils y prennent goût, ils en parlent autour d'eux. Et en quelques mois, ils sont plusieurs centaines à se donner rendez-vous dans ce parc de Wellington. Ouais. Et ça prend de l'ampleur, ça devient presque un phénomène de masse. Alors c'est perçu de façon... on les prend pour des fous. On leur balance des canettes de bière. Enfin bon, on les prend vraiment pour des dingues parce qu'à l'époque, quelqu'un qui court, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher, qui fuit quelque chose, donc forcément, c'est suspect. Mais voilà, ça prend de l'ampleur. Et puis Lydiard connaît bien Bill Bowerman, qui est un entraîneur de l'Oregon, qu'il a rencontré à Rome en 56, en JO. Et il l'invite. Bill Bowerman, ce sera plus tard le fondateur de Nike. Il l'invite donc à Wellington pour lui montrer comment il procède avec ses cardiaques et avec le grand public. Donc Bowerman débarque et lui aussi su sang et eau lors de ses premiers tours de parc à Wellington et se dit la même chose que moi, je ne peux pas en rester là, il faut que je continue. Et il est séduit, il reste, je ne sais plus, un mois ou deux là-bas, et il rentre aux États-Unis, il a perdu 5 kilos, et il est rayonnant. Sa femme ne le reconnaît pas, elle le trouve rajeuni de 10 ans. Et il se dit, il faut qu'on fasse la même chose aux États-Unis. Et c'est comme ça que le mouvement est parti, et qu'il a inondé la terre entière. Alors messieurs, nous allons faire une petite pause musicale en écoutant un morceau choisi par vous, Malek Boukherchi, qui s'intitule... Enfin, vous nous en parlerez après. Avec plaisir. Save her, love as they do, forever. chant ma prayer. Malek Boukherchi, que venons-nous d'entendre ? Eh bien, on vient d'entendre un titre de ce superbe chanteur de jazz, pianiste d'origine d'Argentine, mais qui vit en Suède. Il est suédois, José González. Il est né en 78, donc vraiment talentueux, ce jeune homme. Superbe titre, Teardrop. Vous avez dû reconnaître, je pense, l'ensemble des auditeurs, parce que c'est une reprise d'un des groupes les plus mythiques de trip-hop, musique indépendante, Massive Attack. Et ce titre, je l'ai choisi parce que il m'a accompagné dans l'Atacama Désert il y a un an et demi, hein, lors d'une de mes dernières courses. Voilà, Chili-Bolivie. J'étais à la frontière là-bas. On était du côté du Lascar à 5875 mètres d'altitude. Et il y avait une course. On était 20 pour parcourir le plus haut marathon du monde. Donc c'était qu'à 42. Un petit 42 km, mais à plus de 5500 mètres d'altitude, hein, sur l'ensemble du 42 km. Et comme c'est une musique qui est assez dépouillée, le teardrop, on est vraiment dans l'utile et pas dans le futile. Donc c'est un écho à cet endroit magique qu'est l'Atacama Désert. Et comment on court à 5800 mètres ? Comment ça se passe du point de vue de la respiration ? Assez violent, mais la clé, encore une fois, réside toujours dans la préparation. Je me suis entraîné pendant un an et demi en Angleterre dans un centre hypoxique, dans le plus grand centre de recherche d'hypoxie, hein, du côté de Loughborough. C'est à 2 heures au nord de Londres, hein, où j'ai présenté mon projet là-bas, donc c'est des grands spécialistes des conditions extrêmes, et ils m'ont mis à disposition alors leur caisson. Pour eux, c'était l'occasion de prendre des mesures. J'étais un cobaye pour eux, parce que d'habitude, ils mènent un mannequin. Et là, quand ils ont appris, il y a quelqu'un qui va aller courir à plus de 5500 mètres d'altitude. Alors que d'habitude, tiens, dans le trail, on monte et on descend, mais on monte pas à 5000, on monte à 3000 maximum, oui. 3002. Mmh. Mais on reste pas, on redescend. Là, on est resté sur une ligne des crêtes. On a démarré à 5008, on a fini à 5000. Et entre-temps, on a pu descendre à 4008, 5200, 4700. On est remonté à 5007. Et donc, dans ce caisson hypoxique, c'était l'occasion de tester ce que le corps peut. Et c'est fascinant ce que le corps est capable de faire. Mais attention, j'oublie pas. Nous, ultra-marathoniens de l'extrême, on garde en mémoire un adage de la sagesse d'Ogon. qui dit « Il faut jamais jouer à saute-mouton avec une licorne ». Qui est extrêmement parlant. Et que peut le corps ? C'est la question que pose Spinoza dans l'éthique. Et ce texte qui a été commenté par Deleuze, Deleuze dit « Ce que peut ton corps, ça n'est pas ce qu'il peut en tant que corps, c'est ce que tu peux, toi. » Eh ben voilà. Vous êtes d'accord avec ça ? Exactement. Alors pendant la pause musicale, je vous ai fait remarquer que normalement à la radio, on ne se tutoie pas. Or, sans que vous connaissiez avant l'émission, vous êtes mis à me tutoyer moi-même. Bien sûr. Et vous m'avez expliqué que quand on est dans l'effort, le tutoiement s'impose et que tous les coureurs sur les longues distances se tutoient spontanément. Exactement. Ce qui est peut-être l'illustration de cette phrase de Nietzsche, l'épuisement est le plus court chemin vers la fraternité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ah oui, oui. Est-ce que vous avez des anecdotes qui illustrent cet adage ? Des anecdotes ? Il y en a plein. J'en ai pas en tête là maintenant, mais le fait est que oui, il y a une réelle fraternité qui s'installe dans l'effort parce qu'on il y a une proximité qui s'installe immédiatement parce qu'on sent que tout le monde est dans le même état, passé un certain kilométrage et un certain niveau de difficulté. Plus personne n'est fier après son kilomètre. C'est ça. On est tous logés à la même enseigne, on souffre tous, et on le sent, on le voit, on le constate, on essaye de le cacher, mais on le voit dans l'œil des autres, et on ressent la même chose qu'eux. Ça génère une proximité, une fraternité qui est vraiment spectaculaire. Tout à fait, et ça c'est fascinant. Il n'est pas nécessaire de se ressembler pour se rassembler quand on est coureur de l'extrême. Et c'est clair que la souffrance génère des liens qui sont extraordinaires. Il y aurait plein d'anecdotes, on s'est retrouvé avec des coureurs que je connaissais pas, qui te captent, qui te disent et qui t'aident spontanément. Un des exemples pour moi les plus frappants, ça a été au Rajasthan. Il y avait une course, une très belle course. C'est la traversée du désert du Rajasthan. Donc on est sur l'Inde, hein, à la frontière Inde-Pakistan. On avait 333 km à parcourir en 3 jours. Après, la frontière était fermée. Donc c'était les autorisations indiennes qu'ils ont autorisé à courir là-bas. Donc c'est un désert froid, le Rajasthan. À savoir, il fait chaud la journée, à peu près 45-50 degrés. Et la nuit, à partir de 22 heures, on bascule à zéro. Et à partir d'une heure du matin, on est à moins 5 degrés. Donc il faut gérer le différentiel thermique, plus 50, moins 5 degrés. Donc on est équipé, parce qu'on peut courir la nuit, on peut dormir. Mais j'ai souvenir, on était 50 coureurs du monde entier, mais très vite, au bout de 2 heures, on est tout seul, parce que chacun gère sa stratégie de course. Et je me rappelle, au bout de 220 km, je suis en totale déperdition. Je suis complètement paumé, je n'avance plus, je fais l'essuie-glace. Il est 4 heures du matin. Faire l'essuie-glace, ça veut dire aller à droite, à gauche, voilà, au lieu d'avancer, tituber. Voilà, on titube. Au lieu d'avancer, normalement, on avance dans la verticalité de l'effort. Je suis dans une marche complètement horizontale. J'y arrive pas. Je suis complètement crevé, j'ai plus de ressources. Le mental est là, mais le corps ne peut plus. Le corps dit stop. À un moment donné, on est tous là. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc c'est intéressant, parce que quand on est dans l'ultra, on se nourrit de nos chutes. Il faut se nourrir de la colère, il faut accueillir même la colère, il faut accueillir les doutes, la peur, mais on pratique la résurrection permanente. Il faut savoir être patient, parce que la patience, c'est un tannissement pour l'éternité. Et à un moment donné, il est 7 heures du matin, le soleil se lève, et je suis paumé, je suis quelque part au-delà de Jaisalmer dans l'Inde. Et là, il y a deux bras qui me prennent dans le dos. C'est deux coureurs, deux Danois, et qui disent « Malek !» Parce qu'on s'est rencontrés à la rencontre, mais sans plus, on a identifié les prénoms. Vous ne les avez pas vus venir ? Non, pas vu venir, rien entendu. Je suis complètement dans un état second. De toute façon, il y a plein de périodes hallucinatoires. On hallucine tout le temps quand on court. Et il dit, mais Malek, qu'est-ce qui se passe? On te voit faire comme ça, l'essuie-glace, mais t'es complètement... Attends, Malek, t'as besoin de reprendre des forces. On va prendre le petit déjeuner. Et on s'installe. Donc, c'était fascinant. On est 50 coureurs, comment on s'installe? Alors, eux, ils sortent, ils avaient une serviette dans leur sac. J'ai trouvé ça hallucinant. Moi, quand je m'installe, je me pose à même le sol. J'ai pas besoin d'avoir une serviette dans le sac à dos, parce qu'il faut voyager léger. Ils sortent la serviette, on s'installe. Ils sortent donc leur nourriture. Moi, j'avais mes pauvres pâtes lyophilisées. À un moment donné, t'en peux plus parce que c'est immangeable, mais t'as pas le choix. Il faut bien manger. Et eux, ils sortent plein de petites boîtes avec plein de couleurs. Ils sortent leurs parfums, ils changent leurs t-shirts, ils se parfument. J'ai trouvé ça hallucinant dans le désert. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Ça fait du parfum? Mais Malek, on n'est jamais à l'abri de belles rencontres. Parce que c'est pas on traverse des villages. On traverse des villages. J'en ai rencontré des belles. Mais là, les gars voyagent avec du parfum. Et avec la chaleur, le parfum, il tourne. Mais ils se parfument. Et j'ai trouvé les Danois. C'est fantastique. Fascinant. Ça, c'est des rencontres géniales. Et donc, on est en train de reprendre des forces. Et là, au loin, à peu près à 100 mètres, on voit, il y a des chiens errants dans le désert du Rajasthan. Des chiens qui viennent attaquer une vache qui passait. Mais trois chiens qui terrassent une vache de 90-95 kilos, mais d'une rapidité extrême. Et donc là, les gars me disent, Malek, tiens, prends ça. Et ils me donnent une pilule bleue. un bonbon bleu. Pour moi, c'est un bonbon. Et je me dis, c'est quoi ? Mais Malek, cherche pas, t'es mort, t'es à l'arrache. Prends, il faut partir, sinon les chiens vont venir vers nous. Donc le temps de tout ramasser, il faut s'enfuir parce qu'on a peur, et la peur est une adrénaline puissante. Mais c'est pour montrer les liens, spontanément. Et tu proposes. Alors, j'ai jamais su ce qu'était cette pilule bleue. Mais elle a eu des effets. Ah, ça a eu des effets extraordinaires. Je suis parti comme un cabri. C'est pas plutôt l'amitié qui a eu un effet extraordinaire. Mais comme tu dis, Jean-Philippe, je crois qu'on se nourrit essentiellement ensuite du cœur que tu reçois. La rencontre dans la course à pied, c'est pas du corps à corps, c'est pas d'esprit à esprit, c'est du cœur à cœur. Moi, je crois que l'ultra, ouais, en trail, comme. Et le trail aussi. Hein. Comme dans les déserts, c'est un sport collectif. On s'entraide, on s'aide les uns les autres à aller au bout. C'est l'une des seules disciplines où le dernier lève les bras aussi haut que le premier. Très juste. L'objectif, c'est de finir, c'est pas de performer. Tout à fait. Pour certains, en tout cas, seulement quelques-uns sont là pour faire des perfs. Les autres sont juste là pour vivre un moment intense, pour s'élever au-dessus de leur quotidien et pour enchanter leur vie, parce que c'est vraiment ça qu'on cherche. Exact. Faire des choses extraordinaires, se découvrir des capacités qu'on soupçonne pas, c'est fabuleux. Vraiment chouette. Alors, sans vouloir interrompre cette dithyrambe pour l'ultra trail, je voudrais quand même vous faire remarquer que l'OMS a récemment identifié et baptisé une toute nouvelle maladie mentale qui s'intitule, qu'ils ont appelée la bigorexie. Orexie, ça désigne l'appétit en grec, big, ça veut dire gros. Donc, la bigorexie serait un trop grand appétit, en l'occurrence de bougeotte, un besoin irrépressible de s'agiter. Bref. C'est une addiction sévère à la pratique du sport, notamment d'endurance. Et cette pathologie, au dire de certains, serait la marque d'une faille narcissique, d'une identité fracturée et de je ne sais plus quel autre abîme psychique de la part du sujet. Ça vous concerne ? Pourquoi vous riez ? Parce que je trouve que c'est assez... D'abord, je découvre cette nouvelle maladie, la bigorexie. Je trouve que c'est assez fascinant et en même temps assez hallucinant. Parce que nous nous sommes complètement sédentarisés. Oui, la vraie pathologie, c'est la smallorexie. Oui, c'est ça. Le canapé. voilà, là, il y aurait une vraie pathologie. Parce que tiens, on a démarré avec nos ancêtres, les Cro-Magnon, Néandertal, qui eux étaient des vrais nomades. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on mange autant que nos ancêtres, mais on se déplace beaucoup moins. Là, ah non, je crois que Néandertal mangeait plus que nous, 6000 calories par jour. Voilà, mais parce qu'il y avait une vraie dépense énergétique. Mais aujourd'hui... La plupart des gens, je parle dans les sociétés, entre guillemets, prospères et abondantes, où on est dans un culte de l'abondance généralisée, on mange encore énormément, peut-être même trop, par rapport à ce que nous faisions. Mais maintenant, par rapport à ce que tu évoques, on est dans le domaine du tu, parce qu'on est dans ce domaine de la fraternité, de la course à pied. Hein. Je crois que c'est Cocteau qui disait, il faut vivre comme tout le monde, tout en étant comme personne. Et le fait de courir, je pense que c'est une ode au corps. On est trop dans le cérébral, dans nos sociétés modernes. On a tendance à oublier que nous avons un corps. Et un être qui habite son corps est l'hôte de l'univers tout entier. Partout où il se trouve, il se sent bien. Et c'est l'occasion de montrer que, en ces temps de technophilie généralisée, cette pratique de l'ultra-trail, l'ultra-marathon, est un moyen de montrer que, si les gens sont capables de se reconnecter avec leur corps, ils sont capables de se reconnecter avec leur cœur. Et donc, on est capable de se reconnecter avec le monde. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Et Jean-Philippe Lefièvre, je voulais vous faire discuter de... Il y a ce livre de Murakami, le grand auteur japonais, qui a écrit un livre autoportrait de l'auteur en coureur de fond, dans lequel il dit « La clé de l'affaire, c'est de parvenir à ne pas convertir une douleur physique locale en une souffrance psychique globale. » Très juste. Autrement dit, il faut pas dire « J'ai mal au genou ». Parce que si on dit « j'ai mal au genou », ça veut dire que tout le corps a mal au genou. Exact. Il faut dire « mon genou a mal ». Est-ce que ça marche ? Alors, oui, moi je pense que ça marche. Parce que, d'une part, la douleur est toujours quelque chose de subjectif. C'est l'importance qu'on lui donne qui est importante. Enfin, qui fait la différence. Si on se détache un petit peu de tout ça et qu'on pense positif, tout se passe beaucoup mieux. On parlait de la fraternité tout à l'heure. C'est un des moyens qui permet de dépasser la douleur. J'ai aussi une anecdote comme ça, j'en ai 36. Ouais. Une dérive totale aussi dans l'ascension d'un col, et plus moyen d'avancer, plus de carburant. Et puis tout d'un coup, un copain arrive derrière moi, quelqu'un dont j'ai fait la connaissance la veille ou l'avant-veille, c'est déjà un copain, forcément, puisqu'il est coureur. Et ça me fait passer du 36e dessous à une euphorie extrême. Et j'arrive au col comme une fleur avec ce gars-là. Vous racontez beaucoup de courses que vous avez faites dans lesquelles vous observez que vous passez de l'épuisement à la pétulance. Oui. C'est-à-dire qu'on peut faire un effort qui fatigue, continuer à le faire et ne plus être fatigué. Exact. C'est ça la résurrection. Tout à fait. Tout à fait. Les vieux disent ça revient toujours. Alors, c'est souvent difficile de s'en persuader parce qu'on arrive à des états de fatigue qui sont parfois critiques. Mais effectivement, ça revient toujours. Et d'autant plus facilement quand on pense positif. Exactement. Enfin, il y a quand même une course dont vous parlez dans votre livre, Jean-Philippe Lefièvre, où ça revient pas toujours. Enfin, ça a l'air très difficile. C'est une course qui est devenue mythique, qui s'appelle la Barclay. Oui. Et qui a à voir avec Martin Luther King. Oui, alors c'est une histoire assez marrante. C'est une belle course. Qui part d'un coureur du Kentucky, assez facétieux, qui lit dans le journal un jour qu'un gars s'est évadé du pénitencier local. Il s'agit de l'assassin de Martin Luther King. Et il a passé 60 heures en liberté et il a fait 2 km dans les Brushy Mountains. Et c'est un endroit tellement difficile, un terrain tellement difficile d'accès qu'il a pas pu aller bien loin. Il n'y a pas de chemin, il y a des ronces partout. C'est ça, exactement. Il fait froid, c'est très escarpé, on s'y perd très facilement. Et le gars se dit, mais moi, dans ce délai-là, j'aurais fait 100 miles. Et il décide d'en faire une course quelques années plus tard. Mais une course avec des règles bien particulières. C'est même complètement fou. En fait, il est tellement facétieux qu'il en a fait presque une... comment dire une course impossible. Oui, c'est ça, course impossible. Déjà, pour s'inscrire, il faut galérer. Oui. Alors déjà, ça demande... il demande une lettre de motivation sans expliquer ce qu'il en attend. Alors c'est libre à chacun d'y mettre ce qu'il y veut, mais il faut convaincre. Et évidemment, la sélection est à la discrétion de l'organisateur qui s'appelle Lazarus Lake. Déjà, rien que son nom, c'est toute une histoire. C'est pas fini parce qu'ensuite il y a un questionnaire à remplir. Alors des questions du genre combien de temps faut-il pour cuire un rôti de 3 livres avec les oignons. Ce genre ou de choses. Expliquer l'accident de positron du rayonnement cosmique. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est... Absolument. On passe vraiment par tous les sujets. Et ensuite, la course elle-même est une pure folie. C'est 5 boucles d'un peu plus de 30 km. Ouais. 160 en tout, 100 miles. Avec 22 000 mètres de dénivelé. Dans des délais complètement impossibles. Pas de ravitaillement. Alors, c'est de la folie furieuse. Pas de signalisation. Très peu de coureurs. Il faut trouver son chemin. Oui, c'est 40 coureurs tous les 40, ans. 40, oui. L'heure de départ n'est pas indiquée à l'avance. Non, c'est Laz qui décide quand il veut. Allez, il allume une clope et voilà, c'est parti. C'est autour du 1er avril quand même. C'est ça, exactement. c'est pas une blague. Non, et puis c'est pas un hasard non plus parce que. Il arrive que personne ne termine la course. Ah oui, très souvent. Très souvent. Il y a eu. Plus de 30 éditions, la première était en 86, et il y a 15 finishers. Il y a eu des fois où il y a eu 2 finishers. C'est arrivé une fois, je crois. Très rare, ouais. Et il faut s'inscrire, c'est payant, c'est 1 euro, c'est ou ça, 1 dollar 60. Oui, c'est ça. Parce qu'ils revendiquent de faire ça pour l'argent. Oui, exactement. oui, parce que... Ouais, génial. Est-ce que ça vous tente, la Barclay, Malek Bouchkarchi? Alors, c'est une course qui est mythique, mais personnellement, moi, je suis plutôt dans la rencontre humaine. Dans ce genre de course, t'as pas le temps de rencontrer les gens. T'es complètement focalisé sur l'effort. T'es complètement focalisé. C'est une course d'orientation en plus. Mmh. En plus. Et c'est vraiment le corps qui est mis à mal dans toutes ses dimensions. Et il n'y a pas cette dimension fraternelle de la rencontre avec les gens. Moi, quand je traverse les déserts, il y a plein de villages que je traverse et je m'arrête. Et on discute, on prend le thé. Pour vous, faire ce que vous faites, c'est un footing comparé à la Barclay, c'est ça? Après, c'est des univers qui sont complètement différents. Je respecte totalement parce que la Barclay, c'est vraiment un trip qui est vraiment particulier. Il faut vraiment aimer cette déperdition permanente. C'est une sorte de déperdition permanente vis-à-vis du corps et vis-à-vis des autres parce que vous êtes tout seul. Même s'il y a un organisateur, mais après, une fois que vous êtes parti, vous êtes tout seul. Et pour preuve, même la dernière boucle, elle se fait à l'envers. Histoire encore de... Les deux dernières, ouais. Encore de les faire perdre en termes d'orientation. Ils vont plus dans le même sens. Et les indications sont écrites à l'envers aussi. Et en plus... Ils font un miroir pour les lire. Exactement. Alors que moi, je ne conçois la pratique de la course que dans la rencontre. Parce que Alors vous avez un projet que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure. Vous voulez traverser toute l'Afrique. Alors c'est un rêve, forcément, mais je fonctionne toujours au rêve. En courant. Exact, bien sûr. Donc un projet qu'on pourrait qualifier de fond, de fou. Mais la folie est l'introduction d'espérance dans la logique, dit-on dans la tradition berbère. Hein. Donc c'est une transafricaine, exact, hein, mais c'est une transafricaine. Tiens, on a parlé de fraternité, on est en plein dedans, encore une fois, donc c'est un projet que je suis en train de monter. Alors le nom de code, c'est la course de la fraternité et de la sororité. Parce que quand j'avais commencé à réfléchir là-dessus, j'ai une amie aussi, on n'a pas évoqué les femmes. Il faut en parler parce qu'il y a cette femme qu'on appelle la clandestine de Boston, du marathon de Boston. Ah ouais, fascinant, fascinant. On y reviendra. Qui a ouvert des portes et les femmes sont d'une résistance et d'une résilience hors normes par rapport aux hommes. Et elle m'a dit, mais Malek, tu parles que de la fraternité et nous les femmes, t'en fais quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et le soror, t'en fais quoi? Très bien, ok. Donc on va faire la course de la fraternité et de la sororité. Donc c'est un Le Cap Alger, 15 000 km comptés au compteur, entre guillemets. Où l'enjeu le matin, donc ça sera un marathon minimum 42 jusqu'à 70, ça dépend. En fonction des sensations, en fonction de la configuration terrain et en fonction bien sûr des conditions climatiques, météo. Et l'après-midi, le but c'est d'aller rencontrer les gens sur place, dans les villages, dans les villes, pour pouvoir évoquer deux questions qui sont liées au changement climatique qui nous touche tous, le changement climatique externe et le changement climatique interne. Le changement climatique externe, on en parle beaucoup, on s'agite énormément, c'est quelle planète allons-nous laisser à nos enfants ? Question qui est posée par la sagesse amérindienne. Donc c'est la question de la terre patrie. C'est Edgar Morin qui parle de terre patrie. Mais la question la plus importante, c'est pas celle-ci, entre nous. Si je veux être politiquement incorrect, on s'en fout. Parce que si on maltraite la planète, elle restera. C'est nous qui disparaîtrons, mais la planète, elle est d'une capacité de résilience extraordinaire. La question la plus importante, c'est la question de la terre fratrie. Il faut faire comme en poésie un chiasme, on inverse les prédicats. C'est pas quelle planète allons-nous laisser à nos enfants, c'est quels enfants allons-nous laisser à notre planète. Mmh. En traitant la question de l'éducation, de la transmission, on traitera d'autres questions. Et donc je pars avec ces deux questions, et j'aimerais inviter aussi les Africains à venir courir avec moi pendant les rencontres, pour faire une sorte de course solidaire et de traversée joyeuse liée à ces deux enjeux. Et c'est prévu pour quand ? Pour fin 2019, début 2020. Et ça prend combien de temps de faire 15 000 km en courant ? Je pars sur 7 mois. 7 mois ? 7 mois. C'est rapide. Exactement. Il y a la dimension tout de même du défi physique, mais il y a le défi anthropologique et autres. Mais voilà. Vous êtes un hémérodrome. Oui, c'est ça. Un hémérodrome des temps modernes. Je ne sais pas, mais en tout cas... C'est vrai que tu croises Christophe Barret, qui est un coureur réunionnais qui a fait, je crois, 8 ou 9 fois le grand raid de la Réunion. Ouais, qui est une course de 260 km avec 10 000 mètres de dénivelé, qui court en tongue, en déclamant de la poésie. Énorme. Et une fois arrivé, une fois qu'il a traversé l'île, il repart en sens inverse. Il repart dans l'autre sens, ouais, je sais, j'en ai entendu parler à la Réunion, c'est une star. Extraordinaire. Et il a pour projet aussi de traverser l'Afrique en 2019, via les grands comptoirs esclavagistes. Superbe. Ouais. Mmh. Comme quoi, vous allez vous croiser. Génère des grands liens, tout à fait. On parlait des femmes. Est-ce que leurs performances sont équivalentes à celles des hommes? J'ai cru comprendre que le taux d'abandon dans les grandes courses des femmes était plus faible que celui des hommes. Est-ce que ça peut s'expliquer? Et Jean-Philippe Lefebvre, je voulais que vous reveniez sur cette femme extraordinaire qu'on appelle la clandestine de Boston, qui a couru le marathon une première fois. Alors que c'était interdit aux femmes. Oui, oui. Et c'est pourtant assez récent. C'était en 67. Ouais. Le marathon de Boston est une institution aux États-Unis, même dans le monde entier. Dans le monde. Hein. Mais avec une dimension militaire au départ. C'est une course militaire. Et hommage à une victoire militaire. Oui. Je sais plus exactement l'origine, mais oui, c'est quelque chose comme ça. Et c'était évidemment interdit aux femmes à l'époque. Tout le monde, ou presque, était convaincu que si les femmes se mettaient à faire du sport, elles allaient avoir du poil aux pattes, qu'elles étaient menacées par des descentes d'organes ou ce genre de choses. Mais Cathy Switzer, c'est une étudiante en journalisme. Elle a 20 ans ou 21 ans, je ne sais plus, en 67. Ouais, 20 ans. Mm-hmm. Elle est très jeune. Et elle est passionnée de course à pied. Et elle a un entraîneur qui lui parle à longueur de journée de son marathon de Boston. Et un beau jour, elle en a assez d'en entendre parler. Elle lui dit « je veux le faire ». C'est pas possible, t'imagines pas une femme au marathon de Boston, pas envisageable. Elle s'entête, elle s'inscrit sans prénom en fait, pour ne pas pouvoir être identifiée. Et elle s'aligne donc à ce marathon de Boston en mars 67, ou en avril, je pense. Avril, oui. Mm-hmm. Elle prend le départ avec avec du rouge à lèvres. Elle a son compagnon qui court avec elle. Elle lui dit, mais enlève ça, c'est pas possible, on va te repérer tout de suite. Elle s'en fiche, elle garde son rouge à lèvres. Et au bout de quelques kilomètres après le départ, elle entend quelqu'un courir derrière elle. C'est pas des baskets, c'est des chaussures de ville. C'est un bruit très, très caractéristique sur le bitume. Et quelqu'un l'attrape par le col et elle lui dit « Sors de ma course, t'as rien à faire là, t'es une femme, c'est pas autorisé aux femmes. » Là-dessus, le compagnon de Cathy Switzer, qui était lanceur de marteau et joueur de foot américain... 106 kilos. C'est ça. Met un bon raffut à ce jeuneur qui est quand même l'organisateur de la course et le balance dans le fossé. Il y a une photo qui en témoigne. Oui, il y a plein de photos et ça s'est passé devant les caméras et les objectifs des photographes. Et donc Cathy continue sa course et elle ira au bout assez difficilement, mais avec vraiment le sentiment d'avoir accompli quelque chose pour toutes les autres femmes. Et je trouve ça assez fantastique. Et elle a recouru cette année cette course. Elle a recouru Boston à 70 ans. Ouais. Une égérie, Cathy Schnitzer. Toujours avec son dossard, je crois que c'est le dossard. Le même dossard. Ouais. 261. 261, qui est devenu mythique. Et les performances des femmes, alors est-ce que sur l'endurance, elles ont des capacités singulières? Alors moi, je le constate à chaque course. Voilà, après, c'est une constatation, c'est du factuel. Oui. Comme je ne suis pas femme, je ne pourrais pas dire ce qui se passerait. Dans l'ultra-marathon, c'est fascinant de voir. Alors chaque fois, elles sont minoritaires. Moi, dans les dernières courses que j'ai effectuées, on est 10 ou 15. Sur 10, 15 coureurs, il y a toujours 2-3 femmes. Sur 15 coureurs, il y a à peu près 50% qui abandonnent. Et sur les 50% qui restent, il n'y a aucune femme qui abandonne. Elles sont toujours là, elles terminent. Oui, on est sur le pourcentage d'abandon. Nettement moindre. Alors, est-ce que c'est lié à la matrice? Est-ce que c'est lié au fait, parce qu'elles portent en elles l'humanité qui fait qu'ils ont cette capacité. En plus, la femme, elle est capable de cumuler plein de métiers que nous, les hommes, jusqu'à dernièrement, on redécouvre maintenant les joies de la paternité. Il y a une sorte d'équilibre, en tout cas dans les sociétés dites entre guillemets modernes. Mais les femmes ont cette force de pouvoir cumuler 3, 5, 6 métiers dans une journée. Hein. C'est hallucinant. En plus, le rôle de maman qui est le plus beau des métiers. Et donc, dans la course à pied, en tout cas, je constate dans les courses alignées qu'à chaque fois, elles terminent de manière extraordinaire et elles terminent bien. Oui. Ouais, moi, je constate aussi une détermination qu'on rencontre rarement chez les hommes. Et une façon de vivre la douleur qui est très, très différente aussi. Beaucoup plus sage et beaucoup plus distancié, sans doute. Et j'ai interrogé Karine Herry, qui est une très, très grande coureuse, qui est une des pionnières de l'ultra-trail en France. Et elle pense que le fait que les femmes soient élevées dans l'idée d'enfanter dans la douleur joue un rôle important dans cette gestion particulière et apporte un plus pour surmonter... les difficultés physiques d'épreuves comme celle-là. Quoi. Et que peut-être elles ont une qualité que nous, les hommes, nous n'avons pas. Elles ont en elles la douceur. Et je crois que la douceur est une des qualités les plus remarquables pour tout coureur qui se respecte. C'est savoir être doux avec son corps. Il ne faut pas le taper. Si on est en force, l'homme a tendance à être en force parce qu'il y a une logique de performance qui est toujours là. On veut se prouver des choses pour aller au-delà. Alors que la femme cultive cette douceur et quand la douceur déserte le corps, l'angoisse est là. Et donc je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir sur cette notion douceur et performance, douceur et accomplissement, douceur et épanouissement. Bon, malheureusement, l'heure de la fin de l'émission vient de sonner. Je vous remercie l'un et l'autre, Malek Boukherchi et Jean-Philippe Lefièvre, d'avoir montré que ça n'est pas une affaire, l'ultra-trail, de dépassement de soi, comme on voudrait nous le faire croire, mais plutôt de rencontre avec soi-même et avec les autres. Et je voulais vous livrer une petite anagramme. Au-delà de la démesure, c'est un peu ce qu'on vient d'évoquer comme sujet, a pour anagramme le radeau de la Méduse. Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Claire Levasseur et à la réalisation François Connac.